plus affûté qu'Enduril, plus perché que Bombadil, voici Radio Syrah. Approchez voyageurs et écoutez le programme de la journée. Pour commencer, nous retrouverons les 2 minutes des peuples libres, présentées par Neder. Nous poursuivrons avec un nouveau numéro de Secrets d'Histoire, la chronique de Stépho de Berne. Après une nouvelle édition de l'Épi-Jeu, nous vous proposerons ensuite la première partie d'un grand débat orchestré par Jolifleur, opposant les vues de Neder, Syl et Kaotil. Et nous finirons par un nouveau numéro des Trucs et Astuces de Jolifleur. Puisse votre écoute vous rendre un peu plus riche en rire et en sagesse. Bonjour, bonsoir à tous, nous sommes au mois d'octobre, ici Ned, pour les 2 minutes des peuples libres. La mise à jour 23 est déjà en place depuis quelques semaines et nous nous sommes intéressés à la réaction à chaud des joueurs disposant de cette nouvelle région. Ainsi, à notre grande habitude, les paysages et l'or sont les grands points positifs de ce nouveau contenu. Néanmoins, la popularité de cette nouvelle région reste généralement faible, que ce soit à cause du stuff, des instances ou du nouveau système de lootbox. En effet, l'équipement se voit retirer le système de lumière qui semblait plaire à beaucoup de joueurs. Les instances sont quant à elles jugées trop faciles et trop buggées. Enfin, l'accessibilité des clés uniquement via le store fait grincer les dents de certains joueurs. Mais n'oublions pas que nous sommes encore au début de la sortie de ce pack et qu'un raid devrait faire son arrivée dans les prochains mois. Ce mois d'octobre, on aura aussi pu voir l'apparition d'un serveur Discord visant à servir la communauté française de l'Otro. Venez partager vos expériences, discuter avec la communauté ou simplement poser vos questions sur le jeu. Vous êtes sûr de pouvoir trouver chaussures à votre pied. Il faut aussi mettre en évidence la volonté de certains joueurs de raviver la flamme du PvP mais aussi du RP. Enfin, la météo pour ce mois d'octobre, l'automne bat son plein, bien que le festival fût retardé de quelques jours à cause d'intempéries. Le mois d'octobre sera, selon notre ami Bréard John, un mois relativement sec et humide. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Secrets d'Histoire, l'émission qui dépoussière le passé caché dans les reliures du récit de la Terre du Milieu. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les tribulations de deux personnages haut en couleur qui sont à l'origine de la fondation d'un pays tout entier. Les frères Hobbits, Marchon et Blancon, fondateurs de la Comté. On sait peu de choses sur l'origine même des Hobbits, si ce n'est qu'ils possèdent des racines communes avec les hommes, qui remontent au premier âge. Et pourtant, peuple discret s'il en est, aucune mention archivée n'est faite de leur existence avant le troisième âge. Et, à dire vrai, les Hobbits eux-mêmes n'ont jamais conservé de traces écrites de ce qui avait bien pu leur arriver avant cette époque. En effet, aux environs de l'an 1050 du Troisième Âge, une peuplade Hobbits vint subitement s'installer en Eriador, non loin d'Amon-Soul, le Mont Venteux, qui se trouvait à l'époque juste à l'intersection des trois royaumes de l'Arnor, l'Arthédain, le Cardolan et le Rudor. Bien que surpris de l'arrivée impromptue de ces étranges petits êtres, les habitants du pays les laissèrent s'établir dans les zones non peuplées de la région, découvrant progressivement les étranges us et coutumes de ceux qu'ils nommèrent bientôt les semi-hommes, leur apprenant même à parler la langue commune. Il s'agissait là d'un grand groupe de pieds velus, qui n'étaient pas venus s'établir ici par confort, mais plutôt par nécessité. leur ancienne demeure, le Val de Landwin, de l'autre côté des monts brumeux, devenait en effet de plus en plus dangereux à cause d'étranges et sombres créatures surgissant de Verbois-la-Grande, l'immense forêt qui bordait leur vallée, depuis l'arrivée en ces lieux d'un sinistre personnage, se faisant uniquement connaître sous le sobriquet de nécromancien. Un siècle plus tard environ, il fut rejoint en Eriador par le peuple des Pâles, qui avait fini par abdiquer également face aux forces néfastes des bois, que l'on ne tarderait plus à appeler la Forêt Noire. Tandis que le troisième et dernier peuple des Hobbits, les Forts, avait migré bien plus au sud, atteignant le pays de Dun à peu près à la même époque. Nous voici actuellement en Edwaes, et plus précisément au village de Maor Tilao, sans doute le tout dernier vestige de la grande transhumance des Forts vers le pays de Dun. Un lieu totalement épargné des influences extérieures, si ce n'est des rencontres occasionnelles avec les Dunois, restés comme figés à une époque lointaine, alors que tous vivaient de l'autre côté des monts brumeux. Pourtant, en parlant avec les habitants de ce village, on se rend compte que certaines traces d'un passé commun sont bien visibles, notamment au travers du langage. S'ils utilisent des termes propres au pays de Dun, on trouve également dans leur parler nombre de mots issus du vieux langage rohirrique, témoins de la rencontre des hommes du Nord, leurs ancêtres, et des hobbits lorsqu'ils vivaient dans le Val de Landwin. Le mot « hobbit » lui-même vient d'ailleurs d'une expression de rohirrique ancien qui signifie « creuseur de trous ». Mais si les habitants de ce havre ont pu demeurer cachés ici durant des siècles, bien d'autres n'eurent pas cette chance et durent bientôt poursuivre leur errance. En effet, en l'an 1349 du Troisième Âge, Argaleb Ier accéda au trône de l'Arthédain et voulut revendiquer la souveraineté des deux autres états qui composaient autrefois l'Arnor, à savoir le Cardolan et le Rudor. Mais ce dernier s'étant secrètement allié avec Langmar, une guerre s'engagea et ils envahirent les terres aux alentours d'Amansul, tuant par la même occasion le roi Argaleb. Sentant la menace imminente des armées de Langmar, les hobbits n'avaient pas vraiment attendu et la grande majorité des pieds velus et des pâles s'étaient déjà enfuis vers l'ouest pour s'installer dans les terres de Bray, principalement à Stadel, où les hommes sur place acceptèrent leur arrivée et les intégrèrent à leur mode de vie relativement épargné des turpitudes des trois royaumes les entourant. Les forts, pour leur part, tinrent leur position, à part un petit groupe qui décida de repartir sur les terres de leurs ancêtres, dans le Val de Landwin. Durant près de trois siècles, les hobbits vécurent ainsi paisiblement, relativement épargnés par les successions de rois et les tentatives de Langmar d'absorber l'ensemble de l'Anor. Jusqu'à ce qu'en 1598 du Troisième Âge, deux frères hobbits eurent un rêve. Marchon, l'aîné de la famille, venait alors d'accéder à la position de chef des pâles, à l'âge de 42 ans. Il s'agissait d'un hobbit intuitif et audacieux, l'un des rares grands visionnaires de son peuple, et il entendait bien, avec l'aide de son plus jeune frère, Blancon, faire progresser la condition hobbit plutôt que de se contenter paresseusement de ce qu'ils avaient. Car quand bien même la cohabitation avec les hommes du pays de Bray était tout à fait cordiale, les terres arables n'étaient pas régulièrement distribuées en leur faveur, quand ils ne servaient pas uniquement d'ouvriers agricoles au compte d'un exploitant humain. Et les tensions entre les divers clans hobbits étaient également monnaie courante. Pour les deux frères, la solution était évidente. Il fallait offrir à leur peuple une terre bien à eux. Nous nous trouvons actuellement sur les hauteurs de la cité de Bray, là où vivent encore aujourd'hui nombre de hobbits. Bien que la ville ait opéré des évolutions au cours des siècles, les trous qui furent creusés ici, en revanche, n'ont subi que peu de changements et témoignent de la profondeur de cette culture unique en Terre du Milieu. Nulle part ailleurs, les hobbits et les hommes ne vivent à ce point en collaboration, bénéficiant du même niveau de citoyenneté. S'il est difficile de dire exactement dans lequel de ces trous vécurent Marchand et Blancon, on sait néanmoins qu'ils habitaient bien à Bray, et que c'est ici même, sur cette colline surplombant maintenant le poney fringant, qu'ils lancèrent un premier appel à leur frère Hobbit. Marchand savait en effet que pour obtenir des terres, adresser directement sa demande au roi, et non au simple bourgmestre de Bray, semblait être la seule solution. Le Rudor étant hors de question, et le Cardolan souffrant énormément de la baisse du nombre de Dunedain en son sein, il choisit d'envoyer sa supplique au roi actuel de l'Arthédain, Argeleb II. Mais ce dernier, ayant bien d'autres chats à fouetter que la demande farfelue d'un semi-homme, ne daigna pas considérer cette demande comme sérieuse. Ne baissant pas les bras, le Hobbit fit alors réunir un grand nombre de ses compatriotes à Bray, afin de faire entendre leur voix et récolter des signatures pour constituer une grande pétition, demandant également de faire passer le mot à travers toute la région. Ses talents de diplomate portèrent leurs fruits, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Tous les 2 mois, il envoya ainsi au roi une pétition mise à jour avec de nouvelles signatures, renouvelant sa demande et assurant qu'il se ferait un plaisir de vanter en personne les bénéfices d'un tel acte de sa part. Mais encore et toujours, Argeleb II restait muet à ce sujet. Pourtant, après 3 ans d'envoi ininterrompu de missives, le roi de l'Arthédain finit par changer d'avis. En effet, la guerre avait vidé certaines parties de ses terres, laissant des régions entièrement désertifiées au beau milieu de son royaume, et un certain conseiller de confiance, souvent décrit comme un vieux bonhomme au manteau gris, craignait que Langmar n'en profite pour infiltrer le royaume de l'intérieur. Attrapant une lettre parmi la pile qui s'amoncelait, il conseilla au roi de céder un lopin de terre à des gens capables d'autant de ténacité. Argeleb II acquiesça et fit mander un messager pour aller chercher Marchand et Blancon. De leur côté, les choses n'allaient pas forcément pour le mieux. Marchand commençait à désespérer de voir ce rêve se réaliser, et plusieurs chefs de clan craignaient que le plan du chef des Pâles ne les prive de leur autorité s'il venait à aboutissement. Ils tentèrent même de retourner Blancon contre son frère, lui qui restait toujours dans l'ombre de son aîné. La légende raconte alors que Blancon, s'il n'était en effet pas un hobbit aussi hors du commun que son frère, n'en restait pas moins fidèle, charismatique et intelligent. Il fit mine de se ranger du côté des chefs de clan et annonça qu'il parlerait à son frère s'ils plantaient leur bannière en nombre sur les abords de Bray pour montrer leur désaccord. Le but de Blancon était principalement de prévenir son frère des clans dont il devait se méfier, lui qui accordait en général bien trop facilement sa confiance. Mais ce plan eut un effet inattendu. En effet, le messager du roi, qui serait arrivé à ce moment précis à Bray, aurait remarqué le grand nombre de bannières de clans hobbits devant la ville. Et sautant sur l'occasion, Marchand prétendit qu'il s'agissait de toute l'aristocratie hobbit prête à s'installer sur des terres bien à eux. Que cette histoire fût véridique ou non, le messager, à son retour auprès du roi en compagnie des 2 frères, put décrire le nombre de hobbits de bonne volonté prêts à entamer le voyage, ce qui rassura Argeleb II quant à leur capacité à occuper une région vide et le conforta dans la décision qu'il allait prendre. Il offrit ainsi à Marchand et Blancon de coloniser avec leurs gens un grand coteau de chasse se trouvant derrière le pont du Barandouin, en échange de veiller à ce que le pont et les routes soient entretenus, que les messagers puissent rapidement passer sur leurs terres, et qu'ils reconnaissent sa souveraineté sur leurs terres ainsi que son droit à l'impôt. Les frères acceptèrent le marché et retournèrent à Bray afin de réunir leurs plus proches partisans. Nous voici bientôt à la fin de notre voyage, devant la statue commémorative de Grand Cave, représentant Marchon, Blancon, ainsi qu'une mystérieuse colombe dont le nom a été perdu. Les hypothèses vont bon train à ce sujet. S'agirait-il d'une sœur que l'histoire aurait oubliée? Ou bien d'une dame que les deux frères se seraient disputés? Quelle que soit la réponse, les deux frères restèrent soudés bien après la réussite de leur entreprise, Marchon se projetant sur le futur du peuple hobbit, et Blancon lui servant de soutien moral et de conseiller. Des qualités qui allaient être nécessaires pour le voyage qui les attendait. La terre que le roi Argaleb II avait laissée aux Hobbits était vaste et fertile, et les frères ainsi que leurs compagnons commencèrent à s'y établir en 1601 du Troisième Âge. Marchon fit en sorte de cartographier la zone et la sépara en quatre quartiers, à l'origine prévus pour laisser aux clans la possibilité d'avoir chacun leur propre zone d'influence et de ménager ainsi leur susceptibilité. Petit à petit, un village se construisit au centre de la région, au bas d'une colline. Il s'agissait là des fondations d'Hobbitbourg, ainsi que les premières pierres de la comté. Progressivement, un nombre de plus en plus important de hobbits en provenance du pays de Bray vinrent s'installer, aussi bien du peuple qui cherchait à pouvoir profiter du fruit de leur propre terre, que de l'aristocratie clanique, qui avait fini par se laisser convaincre. Marchon et Blancon furent nommés, à la demande générale, chefs de la comté, tandis que les chefs de clan, nommés Taïn, agissaient comme administrateurs dans leurs zones respectives. Environ 30 ans plus tard, ce sont les forts, en provenance du pays de Dun, qui eurent vent de l'existence de ce pays de hobbits, et vinrent à leur tour s'y installer en masse, donnant progressivement de moins en moins d'importance aux délimitations des quatre quartiers. Une première épreuve attendait les hobbits 6 ans plus tard, en 1636 du Troisième Âge, avec l'arrivée de la Grande Peste dans la comté. Bien des hobbits périrent à cette époque, mais la prévoyance de Marchon, dont l'un des premiers actes à son arrivée dans la comté avait été de faire fabriquer de vastes granges, permit à leur peuple de subsister le temps que l'épidémie ne passe. Néanmoins, affaibli par cette épreuve, les tensions qui subsistaient entre les clans s'envenimèrent, certains cherchant à s'approprier les terres des autres, et le fait de devoir payer une taxe au roi alors qu'ils étaient en détresse était une source de fort mécontentement chez beaucoup. La colère enfla et finit par éclater en 1639 du Troisième Âge, certains hobbits prenant les armes dans l'intention de les retourner contre leur père, et plusieurs clans se dirigèrent vers Hobbitbourg afin de s'y affronter. Marchon fut complètement pris au dépourvu par un tel acte de colère et de violence dans ce paradis qu'il œuvrait à construire depuis presque 40 ans. Aussi fut-ce Blanco, bien plus terre à terre, qui fit face directement aux hobbits en armes, sur la place du marché de Hobbitbourg. Durant plus d'une heure, il donna un long discours qui ne fut malheureusement pas retranscrit. Tout ce que l'on sait à ce sujet, c'est qu'à la fin de son épuisante tirade, tous les clans déposèrent immédiatement les armes, tandis que lui-même partit dormir pendant une journée complète, sans interruption. Marchand et Blancon furent, d'une certaine manière, les premiers héros du peuple hobbit. Non pas grâce à leur fait d'armes, mais de par le plus beau cadeau qu'ils auraient pu apporter à leur peuple en exil, grâce à leur ténacité, leur astuce et leur passion, la comté. Les historiens s'étonnent tout de même d'une chose. Nul ne connaît le nom de famille des deux frères. Et il est en réalité probable, après qu'ils se soient retirés à Grand Cave pour laisser leur charge à d'autres, que les deux frères aient chacun de leur comté fondé une famille, effaçant leur nom pour protéger leurs descendants de ce qu'un manque d'humilité peut souvent engendrer. Qui sait, certains autres héros de la comté, comme le vieux Toby ou le taureau mugissant, portent peut-être dans leur arbre généalogique une bien glorieuse racine, mais ont pu se faire un nom à leur mérite seul. Car c'est bien là une leçon que les frères fondateurs ont laissée à chaque hobbit. De la plus humble des origines, peut naître l'étincelle prête à faire s'incliner un roi, tant que la lueur de ses propres mérites sert avant tout à éclairer le chemin de ses pairs. Mais ceci, ce sera une autre histoire. Ce mois-ci, profitez d'une promotion spéciale, très spéciale. Ah, vous aussi, vous l'avez ressenti. Cette intense émotion qui vous submerge et vous écrase, cette voix qui vous susurre intérieurement que rien ne pourra jamais vous rendre aussi triste. Toute l'équipe du Bazar des Nains se joie à votre peine et vous offre ce magnifique lot de 5 mouchoirs brodés en poils de chèvre pour l'achat d'une pierre tombale à l'effigie de votre animal de compagnie disparu sur le champ de bataille. Sauvagement agressé et battu à mort par un troll enragé. Nous vous proposons également d'aller faire un tour dans notre section animalerie, où vous pourriez trouver le compagnon idéal. J'ai nommé la très célèbre chèvre de Turin. Spécialiste du combat monté, superbe et majestueux bovidé à la fidélité indéfectible et au poil soyeux. Vous parcourrez avec lui l'immensité de la terre du milieu et affronterez à maintes reprises de dangereux et puissants ennemis. Merci de bien vérifier que vous n'êtes pas allergique au poil de chèvre. Auquel cas, nous pourrons nullement être tenus responsables de votre décès. Qui donnera droit à lui aussi à cette même promotion. Et bonjour, vous êtes toujours sur Radio Syrah, ici Epi. C'est parti pour l'Epi-jeu. Il y a 500 points d'AO à gagner ce mois-ci en répondant à ma question. En commentaire sous la vidéo, expliquez-nous pourquoi vous continuez à jouer à l'Otro après toutes ces années. Le meilleur commentaire sera sélectionné par l'équipe dans 7 jours. Vous avez donc une semaine pour participer. Bon jeu à tous et bonne chance! Bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours sur Radio Syrah, ici Jolie Fleur. Et oui, Elpi a le droit à 6 jours de congé aussi. C'est l'heure de l'entretien. Aujourd'hui, nous partons sur un format différent puisque nous vous proposons un débat. Le thème de ce débat est centré autour d'un sujet abordé par Neder dans une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube où il nous expliquait pourquoi il avait mis l'autre de côté ces derniers temps. Nous allons donc creuser le sujet aujourd'hui avec nos invités. Neder tout d'abord, mais aussi Syl et Kaotil, tous deux également joueurs. Bonjour à vous et merci de participer au débat. Syl, Kaotil, Neder, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de m'avoir invité à ce débat. Donc moi c'est Syl, je joue depuis on va dire 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Je suis ni HL ni Casu, entre les deux. Et donc je représente le joueur lambda, on va dire, de la communauté. Eh bien, bonjour à tous, c'est Kaotil, très heureux d'être invité également. Je suis un joueur de la bêta à l'origine, qui a arrêté pendant presque 8 ans et qui a repris il y a 1 an et demi environ. Je suis un joueur qui s'intéresse avant tout à tout ce qui va être roleplay, metagame, tout ça. Les instances, les raids, c'est pas plus mon trip que ça, même si ça m'arrive d'y participer de temps en temps. Donc bonjour à tous, moi c'est Neder, donc je suis joueur depuis maintenant 6 ans. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos, notamment sur l'Otro, et donc une vidéo dernièrement qui était sur pourquoi l'Otro me saoulait un peu. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Merci à vous. Je précise avant de commencer qu'aucun joueur ici n'est foncièrement pour ou contre le jeu. Personne ne défend les intérêts de Standing Stones Game ou au contraire ne cherche à dégoûter quiconque de l'autre. Nous ne sommes que deux joueurs qui expriment leur opinion sur ce débat et souhaitons simplement le partager. Est-ce que Neder, tu peux nous résumer en quelques points les principales raisons de ta lassitude par rapport au jeu ? Donc pour résumer très simplement ce que je disais dans ma vidéo, ma lassitude ça vient surtout du système de farming récent sur le trot qui est à mon goût beaucoup trop long et rébarbatif. Le contenu qu'on a eu aussi avec les dernières régions, j'ai trouvé pas si original que ça, même si il reste très beau. Et les instances à haut level, à cause de ce farming beaucoup trop long, sont pas si accessibles que ça et à l'occasion aussi un peu trop buggés. Comme tout free to play, l'autre est basé donc, comme tu l'as dit, sur le système du farm. Que pensez-vous du système de farm actuel Chaotil ? Qu'est-ce que tu en penses par exemple ? Alors, tout d'abord, juste un petit point, faut savoir que le farm, c'est pas du tout limité au free to play. C'est un problème qu'on trouve absolument sur tous les MMO, MMORPG principalement, bien évidemment. Mais même des jeux de sandbox procéduraux, donc les jeux qui créent eux-mêmes leur contenu de manière procédurale, il y a du farm quand on arrive en très haut level. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, les joueurs, ils arrivent au bout du contenu. C'est logique, vu que ça demande beaucoup plus de temps de créer du contenu que de le parcourir. Donc, il y a des années et des années de ça, quand les MMO, ça commençait tout juste. La solution qui a été trouvée, c'est le farm haut level pour débloquer les tout derniers éléments du contenu. Pour faire, en somme, pour faire patienter les joueurs qui arrivent à la fin, le temps que les développeurs puissent créer du nouveau contenu. Et l'autre, bah, forcément, échappe pas à la règle. Du coup, après cette petite mise au point, le farm sur l'autre en lui-même, c'est vraiment loin d'être le plus atroce qui puisse y avoir. Il est long, ça c'est certain, mais il y a quand même un effort qui est fait pour essayer au maximum de le rendre assez varié. Il y a les répétables level max, avec quand même, depuis quelques mises à jour, ils essaient de proposer un certain nombre de quêtes différentes dans ces répétables. Il y a le farm des objets légendaires qui en général se passe ailleurs, histoire d'essayer un peu d'autres choses. Il y a, je sais que ça n'intéresse pas nécessairement tous les HL, mais les festivals, ça permet aussi de récupérer quelques ressources assez sympas. Et puis bon, pour ceux que ça intéresse moins, les cosmétiques, voilà, la réputation, c'est toujours intéressant. Mais voilà, depuis quelques temps, je trouve que Standing Stone Game essaie quand même de varier un peu le farm pour pas juste répéter 10 fois exactement la même quête sur une semaine. Donc, le farm, il est très présent, il est relativement long, mais il essaie de se varier, et surtout, le HL, ça ne se limite pas qu'au farm, selon moi. Merci. Neder, Syl, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous pourrez réagir à ce que Chaotil vient de dire ? Pour revenir à ce qu'a dit Chaotil, déjà, il y a un farm aussi dont tu n'as pas parlé, c'est celui des points SDAO, donc qui permettent de débloquer le contenu du jeu au fur et à mesure et qui, au final, est accessible à tout le monde et facilement, donc en faisant des sessions de farming. Et le problème que j'ai avec ce farm-là, c'est que je le trouve quand même un peu trop facile et au final, on peut avoir débloqué tout le jeu, tout ce qui est disponible en magasin, on peut le débloquer à la simple sueur de son front et je trouve que ça nuit peut-être trop à l'économie du jeu. Ensuite, donc pour revenir sur le farm HL, comme tu l'as dit, Chaotil, il y a le farm est certes très varié, mais il s'innove pas vraiment en fait. Quand on voit là, par exemple, le farm qu'on a eu en Ithilienne, donc avec les fleurs, ils nous l'ont remis ensuite dans la porte noire. J'ai perdu le nom. Les arides. Voilà. Et donc, je trouvais qu'au niveau innovation, au final, c'est pas vraiment ça. Et donc, ça rend le farm encore beaucoup, beaucoup trop long. Et il y a aussi ce farm des objets légendaires qui est assez massif quand même. Pour un nouveau joueur, ça doit être quand même très compliqué de pouvoir monter ses armes légendaires au niveau maximum. Pour répondre à tout ça, moi, je suis ni pour ni contre le farm. Le problème, pour moi, c'est une question de choix. C'est-à-dire que le Farmachel solo, par exemple, avec les quêtes répétables, je trouve ça plutôt pas mal pour faciliter l'accès aux raids des joueurs qui sont dans des confs peut-être moins actives et qui peuvent pas du coup s'équiper en instance pour aller ensuite en raid. Je pense qu'on a eu une des extensions où il y a eu le plus de joueurs casus peut-être qui sont allés en raid, vraiment. Enfin, j'ai cette sensation, en tout cas moi. Après, je trouve que ce farm, il est mal conçu, parce que on a une quotidienne qui est que solo. Et je trouve qu'on devrait avoir, pourquoi pas, des quotidiennes avec un choix entre faire X quêtes solo, on n'a pas le temps, on est pressé, on fait ses petites quêtes solo, ou faire avoir le même gain, les mêmes récompenses en faisant une instance groupée en T2 avec le défi réalisé. Et du coup, ça permettrait vraiment de jouer en groupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que MMO, quand même, c'est du jouer en groupe, quoi. C'est du massif multijoueur game en ligne, quoi. Donc, ça se fait, en fait, pour aller tuer des mobs ridicules pour les quotidiennes, je vois vraiment pas l'intérêt. Et ceci dit, avec les dernières instances verrouillées et ou buggées, on avait bien un peu que les solos pour s'occuper en HL en début de soirée, parce que bon, tout le monde ne peut pas partir en raid, tout le monde n'a pas les compagnons pour. En plus, il y avait des systèmes à l'époque qui étaient intéressants, comme par exemple une gold selon les clusters d'instances. Les gens farmaient les instances, partaient en groupe farmer les instances. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée, par exemple, à l'époque d'Isengard. Donc voilà, donc je trouve que ce farm HL est mal conçu. Je trouve qu'on devrait donner le choix entre le solo et le groupe. Et en réponse à Neder, pour les points SDAO, alors je suis d'accord et pas d'accord. Alors à la fois, ça peut nuire au jeu, on peut faire extra roll, farmer des prouesses dans les zones bas level, tuer je sais pas combien d'araignées en compté, et débloquer des points et acheter du contenu. Mais donc oui, ça peut nuire au store. Encore que farmer 3-4 régions, en fait, ça permet d'acheter une région supplémentaire, peut-être. J'ai pas les chiffres parce que moi je suis pas en free to play. Mais par exemple, si on va par là, le Black Friday, qui propose des prix super attractifs, ben, ça nuit carrément plus, quoi. Et concernant les armes légendaires, je pense qu'effectivement, les épiques, maintenant, devraient en octroyer un peu plus à partir du Gondor, avec des quêtes qui filent 10 par chaud de leg, après 10 par chaud d'éveil, contrairement à ce qu'elles donnent actuellement. Mais bon, entre l'HV, les répétables à Minas, on peut en faire 7-8 par jour, et puis les diverses monnaies d'échange, je vous renvoie à l'article C'est ou ça de l'autre.fr, il y a quand même moyen d'avoir assez facilement des pare-chaux d'éveil pour peu qu'on s'en donne un peu la peine. Donc effectivement, farmer un peu, mais bon, je trouve que ça va, quoi. Tout à fait, je suis absolument du même avis que toi là-dessus, pour les points SDAO, plutôt effectivement... Ça nuit, mais effectivement, le Black Friday qui va arriver bientôt en novembre ira beaucoup plus au point SDAO. Pardon, excuse-moi. Je voulais juste dire, certes, le farm de points SDAO, il est possible, mais il est super long. Si tu veux vraiment acheter tes régions avec, c'est vraiment, tu vas au turbin pendant un certain bout de temps. C'est-à-dire que c'est possible. Mais bon, la plupart des joueurs, c'est pas là-dessus qu'ils vont s'orienter. Faut quand même être honnête. Oui, je trouve que c'est plutôt une force du jeu. Je suis assez d'accord que, pour le coup, ce jeu est vraiment, pour moi, free-to-play, de ce point de vue-là. Enfin, on peut tout débloquer si on s'en donne la peine. Faut avoir le temps de jeu, mais voilà. Pendant qu'on est dans le vif du sujet, évoquons maintenant l'aspect économique du jeu. Quels sont, selon vous, les points positifs et négatifs de ce système ? Donc moi, mon point de vue du côté économique, c'est que je suis un peu dans le flou. J'arrive vraiment pas à savoir où sont les développeurs. Donc, comme on a pu le voir avec la dernière mise à jour, ils ont retiré tout simplement les clés qui permettaient d'ouvrir les coffres du loot, tout simplement. Et on est obligé maintenant de dépenser pour avoir ces clés. Donc, on se dirige quand même de plus en plus pour du pay to win. Il y a les prix en points SDAO aussi qui a augmenté des derniers packs de quêtes. Et comme je le disais, donc, il y a ce côté où on peut avoir gratuitement la monnaie du jeu avec la sueur de son front qui, d'une certaine manière, nuit à l'économie du jeu. Mais d'un côté, je pense qu'ils peuvent pas l'enlever parce que déjà, de un, beaucoup trop de monde ne pourrait pas... gueulerait et ne pourrait pas avoir les points qui sont nécessaires pour acheter des petits composants, par exemple, donc les petits trucs comme les traits ou quoi que ce soit. Et ça nuirait aussi à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de dépenser un peu de sous Et donc, ceux qui découvrent le jeu, de tout simplement aller plus loin et au final, par la suite, acheter. Moi, ce que j'ai à dire sur ces dernières extensions, sur ces deux dernières extensions, moi, c'est le système de lootbox qui me gêne, qui est en contradiction avec le verrouillage coffre. C'est-à-dire que le système de lootbox en lui-même ne me dérange pas tant que ça. Sachant quand même qu'il y a des législations dans les pays d'Asie, les lootbox, c'est bien défini ce qu'elles ont dedans, c'est bien défini les taux de loot en pourcentage, donc ils ont une visibilité là-dessus qui est clairement mieux qu'en Europe. C'est peut-être en train de changer, c'est considéré un peu comme des jeux d'argent maintenant. Hein. Donc ce système de lootbox, je reviens à ce que je disais, est en contradiction pour moi avec le verrouillage des coffres qu'ils avaient instauré dans le Mordor, qui heureusement semble assoupli depuis. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'explorer les nouvelles instances, donc voilà. Mais ils le justifiaient comme ça, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas que les gens farment les instances et s'équipent en 3 jours. Mais d'un autre côté, si on y réfléchit, qui s'équipe en 3 jours en achetant des clés, ça posait pas trop de problèmes. Donc voilà. Il y avait, je pense, d'autres moyens d'avoir de l'argent, par exemple du crowdfunding. Mais alors, pour le coup, ils ont peut-être loupé le coche. Ça aurait peut-être été mieux accepté par la communauté au moment du passage en studio indépendant ou pseudo-indépendant. Je sais pas trop comment c'est défini, SSG. Mais à ce moment-là, ils auraient pu dire, bon voilà, on continue le jeu, on passe en studio indépendant, mais on a besoin du support de notre communauté, on lance une campagne de crowdfunding. Ça aurait permis de les laisser respirer un peu. C'est ponctuel, c'est une fois, on le fait pas tous les ans, mais ça aurait permis de respirer un peu. Par ailleurs, je reviens sur les abonnements. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens free-to-play, mais il y a des gens qui sont en VIP. Mais quel est l'intérêt du VIP actuellement, à part les 500 points turbines et le déblocage des régions? Les régions, elles sont débloquées, mais on les débloque une fois pour tout son compte. Donc finalement, on paye une fois et c'est terminé. On n'a pas besoin de rester abonné. Je pense qu'il y aurait des systèmes intéressants à mettre en place pour les VIP, du genre par exemple, des réductions auprès du PNJ avec un prix free-to-play et un prix VIP, mais qui s'applique à tous les PNJ. Que ce soit du PNJ de festival pour acheter sa tenue ou son pet cosmétique, au PNJ HL qui vend le stuff méga cool qu'on a tous envie d'avoir comme ça. Ça permet de valoriser le VIP auprès de l'ensemble de la communauté, quel que soit le type de joueur que l'on est. Moi, c'est d'un niveau général, je trouve que l'Otro, c'est quand même un free-to-play qui est relativement généreux quand on le compare à pas mal d'autres MMO. Surtout avec le simple fait que, comme on disait tout à l'heure, c'est possible de farmer des points l'Otro ad nauseam tant qu'on en a suffisamment le courage. Ça signifie que potentiellement, on peut, sans débourser un seul centime, on peut avoir accès à tout le contenu du jeu. Même si, là, on est dans un farm absolu, quoi. Mais, évidemment, comme on disait, ça concerne pas la majorité des joueurs. La plupart vont choisir de dépenser au moins un petit peu. Et en gros, il y a 3 principaux points d'achat. Les abonnements, les régions et les extensions. Et tout ce qui va être annexe, donc les cosmétiques, les tomes, les clés, les espaces, les traits, tous ces trucs-là. Comme faisait remarquer Syl, l'abonnement, ça perd de l'intérêt au fur et à mesure qu'on joue. C'est-à-dire, ça va être très le premier mois, il est super intéressant parce qu'il débloque plein de trucs. Mais ensuite, au fur et à mesure, vu que le principal intérêt de l'abonnement, c'est de débloquer les régions, en accumulant des points, de toute façon, on finit par les débloquer soi-même au fur et à mesure et t'as plus nécessairement besoin de débourser 12-13 euros par mois. Le deuxième point, justement, les régions, les extensions, c'est des gros achats, mais une fois que tu l'as fait, c'est bon, t'as plus besoin d'y revenir. Ça fait déjà 2 centres d'achat potentiels qui fournissent qu'un apport ponctuel ou de moins en moins attractif, et du coup c'est pas régulier. Le souci, une boîte de jeu, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle ait un apport régulier. Et pour ça, SSG, ils sont en train clairement de s'orienter vers les consommables, ce qui est pas nécessairement la meilleure solution. Je suis un peu de la vie de cible à ce niveau-là. Faire en sorte que l'abonnement soit plus intéressant, ça serait plus important selon moi. Mais du coup, comme ils se basent sur l'achat de consommables, c'est comme ça qu'on se retrouve à effectivement les clés. Principalement les clés actuellement, c'est leur cheval de bataille. Honnêtement, je connais pas la situation financière de Standing Stone, mais je suis pas sûr qu'ils roulent sur l'or. Hein. Ça a pas l'air d'être un très gros studio. Et s'ils avaient plus les moyens, je pense que leurs gros projets, comme le client 64 bits, enfin les trucs comme ça, ils iraient beaucoup plus vite dessus. Donc c'est pour ça, pour eux, c'est très important de favoriser les achats, mais on sent malgré tout qu'ils ont pas envie de faire en sorte que l'Otro soit complètement un pay-to-win. Selon moi, l'Otro n'est pas un pay-to-win. On peut finir le contenu et même faire des T2 défis sans avoir acheté une seule clé ou un seul tome au magasin. Ça n'a rien à voir. Tu prends juste le temps de farmer. C'est long, mais tu y arriveras. Les clés ne se lootent plus, mais à terme, d'après ce qui a été dit, tout ce qui se trouve dans les coffres sera disponible autrement. Donc, c'est normal, ils encouragent à acheter les clés, mais ils n'empêchent pas le jeu free-to-play. Parce que c'est extrêmement important pour un jeu, certes, d'avoir des revenus réguliers, mais c'est très important également d'avoir des joueurs free-to-play. C'est pas pour rien qu'à l'origine, moi j'ai commencé à jouer à l'Otro, c'était abonnement obligatoire. Et il me semble, de ce que j'en sais, l'Otro, c'est un des rares jeux à abonnement qui est passé en free-to-play et qui n'a pas fermé quelques années plus tard. Donc, c'est que c'est un système qui convient à l'Otro, pour le coup. Après, l'Otro a survécu aussi, je pense, au changement grâce à ses abos à vie aussi. Hein. Parce que moi, par exemple, j'en fais partie. Et pour moi, revenir sur chez eux, c'est très facile. J'ai rien à dépenser. Alors c'est pour ça, quand je parlais des réductions pour les VIP au store, je n'inclus pas, et quitte à me léser, je n'inclus pas les. Enfin pas au store, au PNJ, là par exemple, une manière de revaloriser le VIP, je n'inclus pas les joueurs VIP à vie dedans. Quand je parle des gens qui payent un abonnement. Ceux qui sont VIP à vie, ils ont bien assez d'avantages et je suis largement heureuse de l'avoir. Mais je pense que ça a largement aidé à ce que le jeu perdure aussi après le passage en free-to-play. Fait. Il y avait déjà une communauté qui est restée, qui est revenue, qui s'absente 4 ans, qui revient parce que bah elle a son abonnement, quoi. Donc bon. Voilà, c'est ça. De toute façon, un joueur free-to-play qui n'ait jamais rien payé ou que ce soit un abonnement à vie et du coup qui ne paye rien, même s'il n'apporte pas financièrement quelque chose au jeu, il apporte autre chose au jeu, il apporte sa présence, il apporte son rayonnement, il apporte voilà, c'est tout aussi important d'avoir du monde, même s'il apporte pas son soutien financièrement. Après, il apporte pas son soutien, moi j'ai acheté des extensions. Oui, bah voilà. Je les achète, j'attends pas qu'elles soient disponibles au magasin. Si je peux me permettre, recentrons-nous maintenant sur le jeu, un peu plus particulièrement sur le contenu, les quêtes proposées, le combat. Neder, par exemple, qu'est-ce que tu peux me dire sur le contenu proposé? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui te convient pas? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Globalement, jusqu'à l'arrivée au niveau 100, j'ai jamais été déçu. Les régions du jeu, elles sont très belles, même si c'est pas les moteurs graphiques qu'on peut trouver sur les MMO maintenant. C'est cet aspect, en fait, de l'Otro, c'est cet univers, c'est le lore qui est quand même assez bien respecté. Après, c'est normal qu'il y ait des écarts. Au niveau des quêtes qui sont proposées, bah, ça reste un MMO, il y aura toujours des quêtes qui seront un peu débiles, un peu chiantes à faire, mais en fait, ça passe tout simplement parce que il y a vraiment la beauté de ce jeu, c'est cette histoire. Il y a aussi la quête épique, en fait, qui nous suit du niveau 0 jusqu'au niveau X et qui nous suivra tout le temps, de toute façon. Après, au niveau du système de combat, moi, je suis assez old school, j'aime bien le système de combat qu'on a sur l'Otro actuellement. Je pense pas que, enfin, j'ai pas besoin d'un système qui soit dynamique, mais peut-être que un système de combat qui soit plus dynamique, ça apporterait des nouveaux joueurs, je ne sais pas. Ensuite, sur un plan HL, bah, c'est là où au final je suis le plus déçu, hein, pour les raisons que je citais avant, le farm qui est beaucoup trop long. On a aussi quand même pas mal de bugs au niveau des instances dans les dernières régions. On a eu ça sur Ceregos. Et de ce que j'ai entendu parler sur les dernières instances, on a eu, enfin, qui sont sorties avec la dernière région, il y a eu des bugs aussi. C'est quand même moyennement difficile à tomber, ces instances-là. Ça demande pas un niveau de jeu trop compliqué. Là où on avait du niveau de jeu où moi j'étais satisfait, c'est par exemple sur un raid comme le trône ou un raid comme Saruman. Moi, comme Ned, enfin voilà, l'épique, L'épique, elle est toujours sympa, c'est le fil rouge, on peut pas l'enlever, quoi. Ça, c'est la marque de fabrique de l'Otro. Donc, elle est, même en livre noir du Mordor, qui ne s'appelle plus épique, c'est toujours sympa. Les quêtes, j'aime beaucoup le côté énigme qu'ils ont réintroduit avec les deux dernières extensions, je trouve ça vraiment cool. Ça me rappelle un peu la Moria, où on avait des quêtes où il fallait résoudre des énigmes, là, sur des tableaux, enfin bon, bref. Alors évidemment, je rejoins Ned, il y a quelques quêtes pas de casse-pieds, hein, quand on doit tuer, farmer, voilà, bon, X mob sans trop d'intérêt, bon. Mais c'est normal, c'est un MMO, c'est comme ça, il en faut aussi des quêtes un peu chiantes, quoi. J'apprécie aussi, vraiment, comme l'a dit Ned, le combat old school, où ça fuse pas de partout, on n'a pas des lumières partout, où c'est, quelque part, c'est lent, mais c'est bien. C'est en adéquation avec l'univers. Je veux dire, quand on pense à Tolkien, on pense pas à des combats super rapides. Ou de toute façon, quand on lit le livre, c'est long. Donc, c'est comme ça. Et les décors, ils sont fabuleux. C'est, l'univers est magnifique. Un petit bémol pour moi, c'est une petite anecdote. La brume dans la forêt d'Erin Lasgalen, c'est très, voire trop gourmand en ressources. C'est-à-dire qu'avant, je jouais en hyper élevé. Et maintenant, je suis obligée de jouer en très faible. C'est un truc qui est impossible à enlever, même en graphisme minimum. Donc là, il y a des efforts à faire, je pense, là-dessus. Je suis triste de ne pas pouvoir voir les décors dans toute leur splendeur. Voilà, c'est dit. Ensuite, un autre point noir, je trouve, c'est l'abandon du total du combat monté. Alors moi, j'ai jamais été fan, clairement. Mais le fait que la bride ne soit pas imprégnable, qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir des brides à notre niveau, qu'on se fasse plus désarçonner en cheval de guerre qu'en cheval normal, enfin je sais pas, finalement on aurait peut-être dû rendre notre cheval de guerre prêté par le roi un palefrenier en sortant, hein, en échange d'une monture avec juste la vitesse de course. Voilà, je trouve que ça manque de suivi pour le coup. Et je suis d'accord aussi avec Ned, je suis d'accord sur plein de trucs avec toi. Je reviens aussi sur les instances buggées, enfin voilà, c'est triste, c'est un MMO, on est censé jouer en groupe, et ça devrait vraiment, vraiment être la priorité. Je veux dire, il y a des bugs qui sont connus depuis des lustres, et ils sont pas corrigés, je suis désolée, mais la mort ovale de la cour de Cerigost, elle est toujours buggée, elle reset toujours. Bref, ils nous ont annoncé que c'était corrigé, mais ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas, ça bug toujours. Et c'est comme l'étape de loot. On a un contenu de groupe absolument faramineux. Faramineux. Entre les escales, les batailles épiques, le nombre d'instances, le nombre de raids. Et quand on fait une instance 115, parfois T2, on loot des essences 7. Parce que c'est une instance échelonnable et qu'ils n'ont pas revu l'étape de loot. Et ça, je suis désolée, mais c'est inadmissible. Enfin, je pense pas que ce soit très compliqué de mettre à jour les bases de données reliées aux instances en fonction du niveau dans lequel est lancée l'instance. Voilà. Cela dit, j'adore quand même le jeu, je le redis. Voilà. Qu'on soit clair, hein, pour moi, le contenu de l'Otro, c'est clairement un des points forts du jeu. Hein. C'est l'espace à visiter, il est simplement immense, il est super bien rendu. Et dans l'ensemble, c'est cohérent et c'est fidèle à l'œuvre originale. D'ailleurs, j'en entends pas mal qui gueulent sur ce qui a été fait pour la comté là dernièrement, le fait ouais, il y a des fanions qui ont été rajoutés, ça a rien à faire là. Bah si, justement, je vous inviterai à écouter mon secret d'histoire là que j'ai fait ce mois-ci. Vous comprendrez pourquoi c'est une tradition qui existe chez les Hobbits d'avoir des fanions, des bannières, des trucs du style. Donc oui, il y a un gros travail de recherche au niveau du lore pour que l'Otro reste vraiment top à ce niveau-là. Parce que ce soit l'ambiance, la direction artistique, la bande sonore, sincèrement, moi des fois, j'oublie que le jeu il a plus de 11 ans. Quand tu vois la gueule des jeux qu'il y avait il y a 11 ans, l'Otro, il s'en tire, mais super bien, quoi. Au niveau des quêtes, moi, à part le premier livre de la quête épique, que j'ai pas trouvé vraiment super passionnant, l'histoire en elle-même, après, elle est vraiment, vraiment chouette. Surtout celle du Rohan, l'épique du Rohan, c'est une de mes préférées. Et régulièrement, malgré le fait que bah, ça soit un système de jeu très, très rigide, hein, 11 ans, bah, on arrive tout de même à nous proposer du contenu qui se résume pas à tuer tant de sangliers. Il y a de ça, évidemment. Mais il y a aussi des quêtes de discrétion, d'exploration, les jeux des festivals, notamment là, le dernier, c'est vraiment génial. Les chasses au trésor, comme disait Syl, ils en font de plus en plus, ils se sont rendus compte que ça nous plaisait, et j'ai l'impression qu'eux aussi, ça leur plaît bien d'en mettre, donc on risque d'en avoir de plus en plus. Voilà, clairement, tout ça, c'est un point très important de l'Otro. Je sais plus d'où vient la phrase, mais l'important n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est un jeu qui va se savourer sur la longueur, en découvrant progressivement tous les lieux, les personnages. C'est pas un jeu qui commence au niveau max, comme ça va être le cas pour certains autres MMO. Sinon, au niveau des combats, c'est vrai que j'ai pas non plus grand chose à en dire. C'est un vieux jeu qui est basé sur un vieux moteur qui est très rigide. On peut pas vraiment changer beaucoup de choses. Après, on peut pas non plus dire que les combats soient dépourvus de dynamisme. Très régulièrement, surtout dans les instances, on a des mécaniques qui nous demandent du placement, du timing, des actions conjointes à certains endroits. L'exemple qui revient souvent, hein, c'est Saruman. Elle est excellente, ce combat-là. Voilà, c'est pas le jeu le plus impressionnant du monde, mais comme l'ont dit Nader et Syl avant moi, on est dans un univers qui se veut relativement réaliste. Donc non, il y a quand même du dynamisme. C'est vraiment injuste de dire que le combat du jeu est basique. Voilà. Au niveau du contenu, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Moi, j'adore. Voilà. Syrah Musique. Thank you. Syrah Music. Bienvenue dans un nouvel épisode de la chronique mystère de Jolie Fleur. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux endroits que très peu de joueurs connaissent. J'appellerai même ça un easter egg. Rappelez-vous quand vous étiez jeune. Oui, je viens de dire que vous êtes vieux. On a tous déjà joué au jeu du chat, un grand classique. Eh bien, vous savez quoi? Il existe sur l'Otro. Oui, vous pouvez jouer au jeu du chat et au chat glacé sur l'Otro. D'abord, le jeu du chat classique. Vous pouvez jouer dans les ruines situées à Brie, au champ aux chevaux près du pré des festivités. Les coordonnées sont les suivantes, 25.4 sud et 50.9 ouest. C'est plutôt simple d'utilisation, vous entrez tous dans les ruines, un joueur clique sur la table de jeu à côté de tas de sacrevoix et c'est parti pour une partie de chat. Celui qui est le chat aura une petite flèche au-dessus de sa tête, son but est de courir après les autres joueurs et de les toucher pour transmettre le chat. Une fois une personne touchée, le chat se transmet et c'est au nouveau chat de chasser les souris. Le chat glacé maintenant. Les ruines sont situées à Brie, aussi quelques mètres plus loin au champ de Brie Est, de coordonnées 26.2 et 49.6 ouest. Pour le début, c'est le même principe, il faut cliquer sur la table de jeu à côté de Bidi Chien Mou. Sur le même fondement, le chat doit toucher des joueurs, sauf que ceux-ci deviennent gelés et doivent être dégelés par d'autres joueurs qui, eux, ne sont pas gelés. Une fois que tous les joueurs sont gelés, c'est le chat qui a gagné. C'est tout pour moi, et j'espère vous voir très vite y jouer en confrérie lors de soirées RP ou entre amis, c'est un très bon jeu pour passer le temps. C'était Jolie Fleur, à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces. L'heure est venue de reprendre votre route, voyageur. Que votre barbe pousse toujours plus longue, vos poils d'orteil toujours plus soyeux, et vos oreilles toujours plus vives. Jusqu'à notre prochaine édition de Radio Syrah.